طيب وكمانس إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, son livre qui s'intitule Usulu Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a. Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a, et c'est le charh de Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc le charh de ce livre, c'est-à-dire l'explication de ce livre, qui est également du Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen lui-même. Donc le Cheikh, il a écrit l'explication de son propre livre. Et il a fait ça pour plusieurs d'entre ses livres, en fait. Il a fait ça pour un des livres qu'il a écrit qui s'appelle Al-Usul min Ilm al-Usul. Et il a fait ça aussi pour Takhlis al-Hamawiyya. Puis il a fait ça aussi pour Al-Tadmuriyya. Il a fait un résumé de Al-Tadmuriyya, puis après il l'a expliqué, puis il a fait ça pour quelques autres aussi. Donc c'est très bénéfique, très intéressant, puisqu'on apprend en même temps du fait que le cheikh, il a écrit un résumé du livre, après il a expliqué son livre pour qu'il soit encore plus clair. Donc on était en train d'expliquer, on est toujours dans le premier point qui est, il y en a parmi les points de notre aqidah, la aqidah des gens de la sunna. Premier point, c'est bien entendu la foi en Allah. Et yani, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est parmi les choses qui sont yani, parmi les bases de la foi pour les musulmans, pour la foi, pour les gens de la sunna, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est relié au tawhid, c'est relié à la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est en train d'expliquer en fait l'aspect qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah. Parce qu'on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même dans sa révélation, et par, c'est-à-dire par ce qui est mentionné dans le Coran et par ce qui est mentionné également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on était en train d'expliquer le verset qu'on appelle Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, on appelle en arabe Al-Kursi, c'est yani, comme les salafs l'ont expliqué, comme Abdullah ibn Abbas, il a dit yani, Al-Kursi Mawdi'ul Qadamayn, hein, Taht Al-Arsh. Donc c'est le piédestal qui est en dessous du trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans, surat, dans cette ayah, dans ce verset, le verset 255 dans surat Al-Baqarah, il dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc son piédestal, le repose-pied, qui, celui qui est en dessous du trône, qu'on appelle Al-Kursi en arabe, il dépasse les cieux et la terre. Et il est infiniment, infiniment petit à côté du trône. Donc si le repose-pied dépasse les cieux et la terre, et qu'il est infiniment petit à côté du trône, imaginez la grandeur du trône. Hein? Subhanallah. Donc on continue à l'endroit où on s'était arrêté au dernier cours. On était en train d'expliquer la partie du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et donc il dit, on va revenir donc un petit peu en arrière pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il a expliqué auparavant. Il parle de sa science, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il enveloppe toute chose de sa science, de par sa science. Il dit وَقَوْلُهُ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يعلم الحاضر والماضي والمستقبل بين علم الناس وهل علم الناس كعلم الله شامل قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا لما سألوا عن الروح قال الجواب قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فنحن لا نعلم ما غاب عنا إلا إذا أعلمنا الله عز وجل بذلك وبما شاء فالغيب مجهول لكل أحد. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen hafizahullah, il mentionne donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit et il n'enveloppe rien de sa science excepté ce qu'il a voulu, excepté ce qu'il veut. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a expliqué le fait qu'il connaît ce qui est présent, il connaît le passé et il connaît l'avenir, il a voulu en même temps mentionner quelque chose de la connaissance des hommes. Et est-ce que la connaissance des hommes est comparable à la connaissance d'Allah? Et est-ce qu'elle est complète comme la connaissance d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ça dans ce verset. Et dans cette partie du verset, il dit et il n'enveloppe rien de sa science. Il ne peut pas envelopper quelque chose de sa science, excepté ce qu'il a voulu. Et donc, lorsque les gens, par exemple, ont posé la question au sujet de l'âme, qui est la chose qui nous fait vivre, que Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé en nous, l'ange vient dans le ventre de chacun d'entre nous pour insuffler l'âme, ruh en arabe. En arabe, l'âme, on l'appelle ruh. Donc, quand ils ont posé la question à propos de ruh, yas'alunaka 'anil ruh, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu en disant, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire, dit au Muhammad, réponds-leur que l'âme fait partie des commandements de mon Seigneur, des ordres de mon Seigneur. Et vous n'avez été donné de la science à ce sujet que très peu. On ne vous a donné de science que très peu. Illa qalilan. Qalil, ça veut dire un peu. Et donc, on ne sait pas ce qui nous échappe, ce qui nous est caché, excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné de ces choses-là. Et c'est ainsi, que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quelque chose, il nous a enseigné ce qu'il a voulu, donc de ces choses, de cette chose-là, on peut avoir de la connaissance, mais le reste reste caché de nous, ignoré, on ne connaît pas. Il est inconnu. Et ce n'est pas connu, donc c'est pas connu par tout le monde. C'est connu uniquement par celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le faire savoir. Il dit wa qawluhu min 'ilmihi illa bima sha. Hal hiya bima'na wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmi nafsihi illa bima sha aw bima'na annana la na'lamu shay'an 'anillahi illa بما علمنا فتكون الآية كقوله تعالى ولا يحيطون به علما أو علمه هنا بمعنى المعلوم أي لا يحيطون بما يعلمه بشيء إلا بما شاء. فالجواب أن النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا فنقول الناس لا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون عن شيء منه جل وعلا من أسمائه وصفاته إلا بما شاء بما يتعلق بالله كالعلم باستوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وبأنه يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة وما أشبه ذلك كذلك أيضا لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء وذلك لنقص علم الخلق وكمال علم الله عز وجل. Donc le cheikh il explique et il dit, et quand il dit ici وَمَا يُحِيطُنَا بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, il dit, quand il dit, et ils ne savent de sa science que ce qu'il a voulu, que ce qu'il veut. Quand il dit de sa science, est-ce qu'il parle de sa science, c'est-à-dire de la science qui concerne, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la connaissance qui est reliée à la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Ou bien est-ce que ça signifie min ilmihi, de sa science, c'est-à-dire des choses qu'il sait, hein, de sa science, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qu'il a comme connaissance. Est-ce que ça veut dire un ou l'autre? Et le cheikh il explique que, en réalité, dans les textes du Coran et de la Sunna, si deux significations sont possibles et que l'une ne contredit pas l'autre, alors il est obligatoire, dans ce cas-là, de prendre les deux significations ensemble. Si un verset implique deux significations, hein, dans le Coran ou dans la Sunna, et qu'une de ces deux significations-là ne contredit pas l'autre, alors il est obligatoire, dans ce cas-là, d'accepter les deux significations possibles. Et donc, dans ce cas-là, on dira que le verset signifie que les hommes ne peuvent pas cerner et envelopper, hein, quoi que ce soit de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas cerner ses noms et ses attributs, excepté ce qu'il a voulu que nous connaissions de ses noms et de ses attributs. Par exemple, de ce qui a rapport avec sa science, yani dans le sens que yani, il est au-dessus de son trône et qu'il descend au dernier tiers de la nuit et qu'il rit à propos de deux hommes, un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis, comme c'est mentionné dans le hadith, et ainsi de suite. Donc ces choses-là, on ne peut en cerner quoi que ce soit excepté ce que Allah a voulu, hein? Donc on connaît la signification de ça, mais le comment de cela, on ne peut pas le savoir, hein? Ça c'est Allah seul qui le connaît, tandis que le reste des connaissances de ce que Allah subhanahu wa ta'ala possède, eh bien il nous en fait connaître ce qu'il veut parmi les différents aspects de la dunya et les différents aspects de l'au-delà et les différents aspects de la connaissance en général, hein? La connaissance parfaite et entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il permet à certaines de ses créatures de connaître certaines choses, hein, de cette science-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Ensuite il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلْ فِي قَوْلِهِ في قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, ألا نقول إن هذه تختص بمعلومه لأنه يقابل آيات كقوله تعالى ولا يحيطون به علما فتكون فيها مختصة بذاته أي فلا يحيط بذاته علما, وفي آية الكرسي تكون مختصة بمعلومه لقوله إلا بما شاء, وفي تلك الآية لم يقل إلا بما شاء, فالجواب حتى علمنا بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله, ولهذا أخبرنا الله عز وجل بأشياء كثيرة لا نعلمها بعقولنا, ولولا النقل لما آمنا بها, وكذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم, فمن يدري أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر, ولا أحد يدري لا أحد يدري. وكذلك الاستواء على العرش لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به، أنه صفة سمعية لم تثبت إلا بالسمع. Donc le cheikh il explique ensuite que il dit, et si quelqu'un disait par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et il enveloppe de sa science, hein, ils ne peuvent envelopper de sa science quoi que ce soit excepté ce qu'il a voulu, n'est-ce pas qu'on ne pourrait pas dire que ici yani, c'est spécifique à ce que Allah possède comme science par opposition à d'autres versets qui sont spécifiques à la science qui est reliée à la connaissance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa la yuhituna bihi ilma, hein? Et ça c'est pas le même verset que celui de Ayatul Kursi, hein? Yuhitun, je vais vous dire le numéro du verset en question, comme ça vous pourrez comparer les deux. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, c'est le verset 110 dans surat Taha. Verset 110 dans surat Taha. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, c'est-à-dire ils ne peuvent le cerner par leur science. Donc ça ils disent, n'est-ce pas que celle-là est spécifique à la connaissance de l'être d'Allah ou de la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que l'autre verset qui est dans Ayatul Kursi, verset 255 dans Surat Al-Baqarah, celui-là serait disons plus par rapport à la science que Allah possède, c'est-à-dire la science de façon générale, et que yani, donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier verset, dans le verset 110 dans surat Taha, il n'a pas mentionné illa bimasha, il n'a pas dit excepté ce que Allah a voulu, tandis que dans celui-ci, hein, dans surat Al-Baqarah Ayatul Kursi, il dit illa bimasha, excepté ce que Allah a voulu. Le cheikh il répond en disant, hein, même en ce qui concerne notre science qui est reliée à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien nous ne pouvons connaître de cette science-là, ni la science à propos d'Allah, nous ne pouvons connaître que ce que Allah a voulu, hein? Et donc le cheikh il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme information beaucoup de choses que nous ne pourrions pas connaître avec notre raison si ce n'était de la révélation et des textes révélés, on n'y aurait pas cru. Hein, c'est-à-dire que si ces choses-là n'avaient pas été révélées dans les textes de la religion, du Coran et de la Sunna, on n'y aurait pas cru, ou bien on n'aurait pas l'obligation d'y croire, parce que ce ne seraient pas des choses qu'on aurait pu connaître par notre raison, par notre logique. Hein, c'est des choses auxquelles on croit parce qu'elles nous ont été mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation, ou bien par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit le cheikh comme exemple, qui aurait pu savoir sans la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux pendant le dernier tiers de la nuit? Personne n'aurait pu savoir cela, hein? Ou de même que personne non plus aurait pu savoir que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, hein? Yani, on le sait uniquement parce que ça a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna, hein? Sinon, on n'aurait pas pu le savoir. Pourquoi? Parce que ce sont des attributs d'Allah qu'on appelle sam'iyya. Sam'iyya, ça veut dire que c'est des attributs qui sont uniquement connus par la révélation. Et on ne peut les affirmer que par la révélation. C'est pour ça que les gens de Bid'a, eux, ils refusent d'affirmer les attributs qui sont sam'iyya. Parce qu'ils disent, nous, on croit seulement à ce qui est affirmable par la raison. C'est ça le problème, c'est ça l'égarement des Mu'tazila et des Jahmiya et de ceux qui les ont suivis parmi les Asha'ira et les Maturidiya. Ils affirment seulement sept attributs par exemple. Les Asha'ira disent, nous on croit juste à sept attributs. Pourquoi? Ils disent parce que celles-là, on peut les affirmer par ce qui est rationnel, hein, par la logique, soi-disant. et les autres attributs qui sont mentionnés dans la révélation, mais que eux ils arrivent pas à les affirmer par la raison ou par la logique, ils disent nous on les rejette celles-là, on les accepte pas, on les affirme, nous ne les affirmons pas. Ça c'est une erreur, hein, c'est grave, parce que ça équivaut à renier ce que Allah a révélé, hein, Allah al-musta'an. Et donc qu'est-ce qu'ils font, comme on l'a expliqué au dernier cours, pour s'en sortir lorsqu'ils agissent de cette manière? Ils ne peuvent pas carrément rejeter les versets, sinon c'est sûr que les musulmans vont savoir que ces gens-là sont complètement hérétiques et déviés. Alors pour s'en détourner, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les déforment de leur sens. Ils disent ces versets-là ne veulent pas dire ça, ça veut dire autre chose. Puis ils inventent une signification qu'ils tirent de leur propre imagination et de leur propre tête. Allah al-musta'an. Au lieu de dire par exemple Allah s'est élevé sur le trône, ils vont dire Allah a conquis le trône. Ou bien quand Allah dit qu'il a une main, ils vont dire Allah, quand il dit qu'il a une main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force. Ou bien ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la grâce. Ou des déformations de ce genre. D'accord? Et tout ça, ils l'ont tiré de la philosophie, de la métaphysique, des trucs qu'ils ont pris des Grecs. Ils ont essayé d'interpréter le Coran à la lumière de ces philosophies-là. Et c'est pour ça qu'ils ont dévié dans ces questions-là. Le cheikh, il dit ensuite la suite du verset. Il explique la suite du verset. Il وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Comme je disais au début, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Hein? وَسِعَ بِمَعْنَ أَحَاطَ. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit وَسِعَ بِمَعْنَ أَحَاطَ. وَالْكُرْسِيُّ قَالَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ مَوْضِعُ قَدَمَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض وهي حلقة الدرع وهي حلقة صغيرة ضيقة لو ألقيتها لضاعت في الأرض لأنها ليست بشيء ولأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فالكرسي إذن هو موضع قدمي الله عز وجل أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. Donc le cheikh il explique en premier que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وسع كرسيه السماوات والأرض, l'explication de ça, comme on l'a dit, le coursi, il dépasse les cieux et la terre. Hein? C'est-à-dire, il déborde des cieux et de la terre. Et en arabe, le synonyme de wasi'a, il dit le cheikh ahata. Il cerne, il enveloppe complètement les cieux et la terre. Il est plus grand que les cieux et la terre. Et donc, il cite le cheikh la parole d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, turjuman al-Qur'an. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on l'appelle turjuman al-Qur'an? Turjuman, c'est-à-dire l'interprète, celui qui explique le Qur'an. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour Abdullah ibn Abbas lorsqu'il était petit. Il était très jeune à l'époque de la révélation, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil ». Ça veut dire « Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion, le fiqh de la religion ». Et il a dit, et enseigne-lui al-ta'wil. Al-ta'wil, c'est un synonyme du mot tafsir. Lorsque ça signifie l'explication du Coran. Toutefois, on sait que les gens de Bid'a, ils utilisent le terme ta'wil dans le sens de la déformation, de la falsification du sens réel. Sauf que dans son sens d'origine, le mot ta'wil, il signifie soit l'interprétation, l'explication, ou bien la conclusion d'une chose, la réalisation d'une chose. Bon, donc ici il dit, Abdullah ibn Abbas, il explique cette parole comme c'est rapporté dans le Musannaf de Abdul Razak al-San'ani, et comme c'est rapporté également par Ibn Khuzayma dans At-Tawhid, et comme c'est rapporté également par Ibn Abi Hatim dans son tafsir, et comme c'est rapporté également par At-Tabarani dans Mu'jam al-Kabir, hein, également par Al-Hakim et d'autres. Il a dit que le Kursi, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses deux pieds. C'est-à-dire, c'est l'endroit où Allah pose ses deux pieds. C'est-à-dire, l'endroit qu'on appelle en arabe Mawdi'u al-Qadamayn. Mawdi'u al-Qadamayn. L'emplacement, c'est comme le piédestal ou le trépied. Hein, l'endroit où on pose les pieds, en bas du trône. Et par rapport au trône, c'est quelque chose d'extrêmement petit. Par rapport au trône, c'est quelque chose d'extrêmement petit. Et il donne l'exemple d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Ibn Hibban, qui l'a authentifié, également par Ibn Battah dans Al-Ibana, et par Ibn Nu'aym dans Al-Hilya, selon Abi Dharr al-Ghifari. Il dit que les sept cieux, hein, il dit les sept cieux et les sept terres ne sont pas plus grands par rapport au Kursi. Il dit ne sont pas plus grands par rapport au Kursi que une bague ou un anneau qu'on jetterait dans un désert. D'accord? Donc il a dit, les sept cieux et les sept terres, par rapport au Kursi, ne sont pas plus grands qu'un anneau qu'on jette dans le désert. Donc, ça veut dire que cet anneau, hein, c'est les sept cieux et les sept terres. On la prend, on la jette dans le milieu du désert. Le milieu du désert, dans cet exemple, il représente le Kursi par rapport, hein, à cet anneau qui représente les sept cieux et les sept terres. Donc ça vous donne un exemple de l'infinité, hein, ou plutôt de la petitesse des sept cieux et des sept terres par rapport au Kursi. Ensuite, il dit, وَهِيَ حَلَقَةٌ صَغِيرَةٌ ضَيِّقَةٌ. C'est un anneau qui est tout petit et très étroit. Il dit, si tu la jetais, hein, si tu la jetais sur une terre ou un désert, dans un désert, tu l'aurais perdu parce qu'elle est infiniment petite. Et il dit, et l'excellence ou la prévalence du trône sur le Kursi, sur le repose-pied, c'est comme la comparaison, hein, de ce désert par rapport à cet anneau. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que le Kursi par rapport au trône, il est comme cet anneau par rapport aux sept terres, par rapport plutôt au désert, par rapport à ce désert. Donc ça veut dire que le arche par rapport au Kursi, c'est comme un désert par rapport à cet anneau. Et la même chose pour la comparaison entre le Kursi par rapport aux sept cieux et aux sept terres. Donc on voit que la plus grande de toutes les créatures, c'est le trône, al-arche. Le trône, c'est al-arche. Puis en dessous de al-arche, il y a al-kursi. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est les sept cieux et les sept terres. Et les sept cieux et les sept terres sont comme un anneau qu'on jette dans le désert par rapport au coursi. Et le coursi est comme un anneau qu'on jette dans le désert par rapport au arche. Donc c'est ça, cette interprétation-là, on l'a tirée de qui? On l'a tirée de Turjuman al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhumah. Sheikh il dit ensuite, وَقَدْ فُسِّرَ الْقُرْسِيُّ بِأَنَّهُ الْعَرْشُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالَّذِينَ فَسَّرُوهُ بِأَنَّهُ الْعَرْشُ قَالُوا لِأَنَّ عُرُوشَ الْمُلُوكِ هِيَ الْكَرَاسِي الَّتِي يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا فَيُقَالُ إِنَّ اللَّهَ وَصَفَ الْعَرْشُ بِأَوْصَافٍ لَمْ يَصِفُ بِهَا الْكُرْسِي وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم وهذا أيضا بعيد جدا وأين العلم من الكرسي. Donc le cheikh il dit, certains ont interprété le kursi comme étant le trône, mais ce n'est pas ainsi, ce n'est pas correct, car il dit, et ceux qui l'ont interprété comme étant le trône, ils ont dit parce que les trônes des rois se sont comme des chaises sur lesquelles il s'assoit. Et il dit, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le trône par des descriptions qui sont différentes de celles du kursi. Donc, c'est la preuve que le trône et le kursi, c'est deux choses différentes. Il dit ensuite, et certains ont interprété le kursi comme étant la science d'Allah. Et il dit, ça c'est loin, ça c'est loin de la réalité. Où est le rapport entre la science et le kursi? Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est deux choses totalement différentes. Il dit, وَالصَّوَابْ أَنَّ الْكُرْسِيُّ أَنَّ الْكُرْسِيَّ مَوْضِعَ قَدَمَيِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ عَظِيمٌ لَا يُقَدِّرُ قَدْرَهُ أو لا يقدر قدره إلا الله وكذلك العرش. Il dit, et qu'est-ce qui est correct à propos du kursi, c'est que l'endroit où on pose les pieds, le repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est une grande créature d'Allah. Et personne ne peut estimer sa grandeur excepté Allah lui-même, de même que le trône. Et il dit ensuite, قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده أي ولا يثقله ولا يثقله حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وكذلك وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل يحفظ السماوات والأرض بما فيهما ولا يثقل عليه ذلك ولكمال إحاطته جل وعلا بكل شيء علما وقدرة وكونه لا يثقله الحفظ يتضمن العلم والقوة والسلطان وكل ما يحتاج إليه الحفظ. Donc le cheikh il dit, ولا يؤوده حفظهما. Il explique que le verbe يؤوده ici, ça signifie que le fait de préserver ou de garder les cieux et la terre, eh bien, ça ne lui pèse aucunement. C'est quelque chose qui ne lui est pas du tout lourd. C'est pas lourd pour lui. C'est pas difficile pour lui. Et ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a une science qui est parfaite et une force qui est parfaite, et il préserve les cieux et la terre et il les garde, avec tout ce qu'il y a dedans, et cela n'est pas lourd pour lui, parce que sa force est parfaite et sa science est parfaite, et il enveloppe toute chose de sa science et de sa force. Et donc il dit le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de préserver pour lui les cieux et la terre, c'est quelque chose qui n'est pas lourd pour lui, qui n'est pas difficile pour lui, et ça, ça comprend sa science, sa force, sa suprématie, sa force sur toute chose. Et il dit que tandis que toute chose a besoin d'être préservée par lui, hein? Et il dit, et la fin du verset, wa huwa al-aliyyul azim, wa huwa al-aliyyul azim. Il dit al-aliyyu ma'khudhun min al-uluwi wa waznuha fi at-tasrif fa'ilun fa hiya idhan sifatun mushabbaha li'anna fa'il sifatun mushabbaha wa تأتي للمبالغة ولكن هنا لا تصل إلى المبالغة لأنها صفة لازمة لا تتعدى للغير فهي إذن صفة مشبهة فالله تعالى العلي وصفا وذاتا وهو علي بذاته وعلي بأوصافه وقدره جل وعلا وقوله العظيم أي ذو العظمة وهي كمال السلطان والقدرة والقوة وهي تشمل القوة في كل شيء. Donc le cheikh il termine l'explication de ce verset par l'explication des deux noms qui sont mentionnés à la fin du verset, et il est al-aliyyu al-azim. Al-aliyyu qui vient de al-ulu, al-ulu qui signifie l'élévation, le fait d'être au-dessus et élevé et haut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé, il est haut, il est exalté. Et ça, c'est de la forme en arabe qu'on appelle l'wazn fa'il. Et en général, fa'il, le cheikh il dit, c'est pour al-mubalara, c'est pour montrer yani, un sens dans lequel on met plus d'importance, hein? Et il dit ici dans ce sens là ici c'est une sifa mushabbaha, et il dit que c'est un attribut qui fait partie des descriptions de son être, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il est par sa personne élevé et haut, et cet attribut-là ne s'applique à personne d'autre qu'à lui. Il est lui-même élevé, il est élevé dans sa description, dans ses attributs, il est élevé dans son être et dans sa personne, puisqu'il est au-dessus de toute chose, au-dessus de toutes ses créatures, au-dessus du trône, et il est également élevé dans ses noms, dans ses attributs, et élevé dans sa capacité, dans sa puissance, hein? Donc il est Al-Aliyyu, le très haut. Wa qawluhu Al-Azim. Al-Azim, c'est-à-dire le très grand, celui qui a la puissance et le pouvoir et la puissance parfaite et complète, et sa force, hein, sa puissance comprend la puissance sur toute chose et dans toute chose. Il dit وهذه الآية تسمى آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله وهي التي جاء وهي التي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Donc le cheikh il dit, ce verset on l'appelle le verset du trône, c'est ou bien le verset, il l'appelle le verset du trône, mais comme on a dit al-Kursi c'est pas le trône, donc en réalité ayatul Kursi c'est le verset du repose-pied, hein? Ayatul Kursi, al-Kursi on a dit que c'est le repose-pied. Donc c'est le verset du repose-pied. Et il dit que c'est un des plus grands versets, sinon le plus grand verset dans le livre d'Allah. Hein, puisque ça c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a mentionné. Et c'est le verset que si tu le récites dans la nuit avant de dormir, il y aura un gardien que Allah va envoyer pour te protéger pendant toute la nuit. C'est-à-dire un ange gardien qui te préserve et qui te protège toute la nuit. Et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au réveil, jusqu'à l'aube. Naam. Et c'est rapporté dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira radiallahu anhu. Et il y a une histoire célèbre à propos de ce fait-là. Après, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبْ رضي الله عنه فقال يا أبا ذر يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. Donc ici on a demandé, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu al-Munzir, Ubay ibn Ka'b, sa kunya c'est Abu al-Munzir radiyallahu anhu. Il lui a dit, « Oh Abu al-Munzir, est-ce que tu sais, dans le livre d'Allah, lequel verset est le plus grand ?» Il a dit, « J'ai dit, Allah et son messager savent mieux. » J'ai dit, c'est-à-dire, Abu al-Munzir, il dit, « J'ai dit, Allah et son messager savent mieux. » Il a dit, « Oh Abu al-Munzir, est-ce que tu sais quel verset du livre d'Allah avec toi est plus important et plus grand? » Il a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est-à-dire, il a cité le verset 255 dans Ayatul Kursi. Alors, il dit, il a frappé sur sa poitrine. Il a dit, liyahnika al-ilmu abal mundhir. Comme si en voulant le féliciter par rapport à la science, ou bien lui souhaiter, ou lui faire un dua pour lui, pour qu'il puisse obtenir la science ou avoir la science, Abu al-Munzir. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Naam. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le félicitait puis le glorifiait, du sens que pour dire qu'il avait la science, il avait de la science dans cet exemple là d'accord. Ayant dit ça, maintenant le cheikh il va énumérer différents bienfaits qui sont tirés de ce verset là et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et juste pour vous dire combien j'en ai décompté là maintenant, jusqu'à maintenant, dans qu'est-ce qu'il a cité, plus que 19 points bénéfiques qu'on peut tirer de Ayatul Kursi. Donc on va s'arrêter ici, puis on va mentionner ces différents points là, ou bien certains de ces points là demain, inshallah. Donc souvent Cheikh Ibn Uthaymin il fait ça. C'est-à-dire, il mentionne un verset, il l'explique, puis après il mentionne, ou bien il énumère les points bénéfiques qu'on peut extraire du verset ou du hadith qu'on vient d'expliquer. Et ça, c'est une manière d'apprendre en même temps comment comprendre les hadiths et comment en tirer le maximum. Puisqu'il va énumérer chaque point qu'on peut extraire des points bénéfiques de la, qui sont déduits ou qui sont tirés de la compréhension de ce verset-là. Donc, mashallah, si on faisait l'expérience avec certains d'entre nous, on s'assoit comme ça, puis on dit, combien peux-tu énumérer de points bénéfiques dans tel verset? Peut-être que certains d'entre nous, on serait capable d'en tirer peut-être 5, 6, 7. Puis quand tu lis les exemples des ulama, comment ils extraient des versets, des points bénéfiques et des choses qui sont déduites de leur science par rapport à la compréhension des versets, des hadiths, tu vois qu'ils sont capables d'en extraire des points que nous, on n'avait même pas imaginés. Hein? Des points qu'on n'avait même pas compris, et eux, ils les extraient comme ça, ils nous aident à justement avoir une meilleure compréhension, compréhension plus profonde des textes de la révélation. Il reste encore du temps, mais on va s'arrêter ici, prendre une pause en même temps, parce que ici la salat est dans 15 minutes, 20 minutes à peu près. Donc on va s'arrêter, puis après la salat de Maghrib, Inch'Allah, on devrait comment continuer tafsir de surat al-Baqarah, et on va faire ensemble l'explication. On commence le deuxième volume, le volume 2 de tafsir al-Baqarah. Naam. طيب, donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.